Je circule sur une chaussée à sens unique, comportant deux voies de circulation. La signalisation indique qu'à 200 mètres, cette chaussée ne va plus comporter qu'une seule voie. La distance nécessaire pour un dépassement étant approximativement de 250 mètres, je dois renoncer à cette manœuvre et me rabattre. Réponse B.